Flamanville, Cotentin. Emplacement prévu pour la centrale nucléaire. À 25 km de La Hague, centre international de retraitement des déchets radioactifs. C'est-à-dire que le conseiller général des pieux, l'escalier, est arrivé à voir le maire de Flamanville, lui a dit « Oui, j'ai quelque chose à vous proposer, une usine, c'est une centrale nucléaire, c'est pas dangereux, vous n'avez rien à craindre, et il me faudrait une réponse sous 48 heures. » Alors aussitôt, le maire de Flamanville, croyant bien faire certainement, réunit son conseil municipal, lui explique la chose, sans dossier, sans rien, pour ainsi dire. Il leur dit, oui, à Flamanville, on nous propose une centrale nucléaire. C'est pas dangereux, c'est tout à fait différent du CEA de Jobourg. C'est un truc pour produire de l'électricité, exactement. Alors, conseil municipal, oui, ce serait peut-être une affaire, quoi. Et puis, vous savez, vous aurez de l'argent, leur dit-il. Parce que la commune aura à peu près 1 milliard, je crois, de patentes. 1 500 000 euros. Alors, le conseil municipal a dit oui. Vous, à la ferme, on a des blagues, c'est pas mal. Pour diverses raisons, enfin, principalement en tant qu'agriculteur, on lutte pour éviter les expropriations de terrain, d'une part par l'implantation de la centrale proprement dite, puis ensuite par le couloir de ligne pour rejoindre Caen, puisque le courant n'est pas utilisé dans le Cotentin, il est utilisé principalement en Basse-Normandie. Il leur faudra un couloir de 250 mètres de large sur 120 km de long pour amener le courant à Ypres-Prétan. Et d'autre part, en luttant contre les centrales, on lutte aussi contre l'extension de l'usine de La Hague, puisque l'usine de La Hague retraite les déchets des centrales nucléaires. Et que plus il y aura de centrales nucléaires, plus l'usine de La Hague s'étendra. Et l'usine de La Hague, par sa cheminée d'une centaine de mètres, rejette des déchets radioactifs qui retombent sur les prairies et par la contamination de la chaîne alimentaire rejoint les hommes. Quoi. On nous attendait, je crois que c'était en 1968, il y avait du blé qui avait été contaminé justement, qui avait été relevé. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Le CEA admet qu'il y a eu une bouffée d'iode, comme ils disent, qui se serait échappée par la cheminée. Et il aurait racheté du lait, mais en fait, une petite quantité de lait, 70 litres de lait, soi-disant. En fait, on ne sait pas très bien, parce qu'on n'a pas pu se renseigner au niveau de l'usine du Calmar, savoir s'il y avait eu plus de lait de racheté. Et en fait, eux prétendraient qu'il n'y aurait eu que 70 litres de lait de racheté, pour suivre l'évolution de la radioactivité dans le lait. Ah oui, c'est une oui, implication. Et on ne sait pas si... Ils se sont aperçus que la radioactivité diminuait de jour en jour. Alors le lait, il a été prélevé en plusieurs jours. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de radioactivité. Qu'est-ce que vous en pensez de la centrale? Je suis con, dès le premier jour, dès que j'ai vu l'article dans le journal comme par lequel les conseillers avaient accepté le site de Flamanville pour faire l'implantation. Vous pensez, ça m'a révolté. Moi qui suis originaire du pays, même de plusieurs générations. Ah oui, surtout que c'est un coin touristique et un coin qui est très apprécié, puisque même ceux qui viennent pour la première fois reviennent pendant de nombreuses années. Ah oui, c'est un pays très attirant. Oui. Voilà, on y vit bien. C'est bien dommage qu'il y ait cette implantation-là. Alors c'est Erdeven, là. Il y a un court extrait. Erdeven, Morbihan. L'EDF projette de construire une centrale nucléaire de 5000 MW. on a annoncé qu'un certain nombre de centrales allaient se construire dans telle ou telle région, les gens y étaient, sont devenus très sensibles à ce problème. Alors, on a immédiatement donc fondé une association Loi 1901, et dès deux jours après cette première réunion, on a commencé des réunions d'information en disant auprès de la population, en disant aux personnes qui venaient nous écouter, mais en très grand nombre, que cette information, nous leur demandions de la vérifier en même temps que nous, c'est-à-dire on demandait aux gens de participer à ce travail de recherche, à ce travail d'information, essayer de prendre cette science qui était réservée d'habitude aux spécialistes, de la prendre en main, de la simplifier, d'aller voir où étaient les véritables problèmes, ce que l'on pouvait comprendre, tout ce qui était négatif dans cette industrie. On a fait donc un chemin au jour le jour avec les gens et on a été tout le temps très crédibles. Il faut dire que l'actualité nous a aidés terriblement. À partir du jour où on a commencé ces informations, dans la presse, tous les jours, ou presque tous les jours, on nous annonçait une catastrophe nucléaire dans une centrale quelconque, dans un transport de déchets, etc. Ce qui fait qu'au niveau de la population, le crin a été crédible immédiatement.